ça ma vie. Y'en a hop, je me fais chier à mourir quand je suis pas devant ma console. Y'a qu'elle qui me console, comme quand j'assemble les consonnes et les voyelles pour faire un texte. Ça m'amuse parfois, d'autres moins. Parfois j'ai envie de parler d'un truc dont je suis témoin. Parfois je fais de l'ego trip en parlant de Nick et les MC en frais. J'ai personne en tête, c'est que du blabla inutile. J'ai rien à dire de spé aux puristes du hip hop. Je fais de l'autothérapie en rimant. Parfois je freestyle pour mes potes. Ma vie est tellement ennuyeuse, je m'endors rien que d'y penser. J'ai pas grand chose à t'offrir, juste des rimes à dépenser. Pour acheter ton attention, n'écoute pas les mauvais guignols. Choisis-moi, je suis cool et drôle, moi débile des gogoles qui font de la zig et pensent que c'est quelque chose de sérieux. Mais putain, même la Joconde a un sourire en coin, elle se fout de ta gueule. Donc relax, mec, c'est juste la musique qui s'en soucie. N'oublie pas que l'art c'est de l'or quand il t'en fait pas trop gagner. Bien souvent il est indolore, parfois il peut te faire chialer. Travestis pas pour un dollar, il finira par se faner. Marine le bien dans la douleur et son goût nous fera planer. Le vécu transpirant sur les notes, y'a pas plus beau que ça. Le mien te fera pas trop triper, que veux-tu, c'est comme ça. Pourtant je me sens dépressif, je suis un gus paumé dans l'espace. Je nage dans le vide qui est ma vie, y'a qu'à la souffrance que je laisse place. Mais j'ai pas perdu de proches, j'ai de l'argent dans les poches. Je galère même pas un peu, et souvent je me le reproche. Je me sens si paresseux, parfois la moindre tâche une mission. Il paraît que ceux qui ont la foi ont une meilleure vision de l'existence. Moi je trouve ça pété, j'ai même pas d'ambition. Inutile de me répéter, le bonheur n'est qu'illusion. Le soleil me redonne pas le sourire, il sert juste à m'éblouir. J'ai cette envie de me cloîtrer dans le noir et ce jusqu'à pourrir. Je suis atteint d'une maladie et je n'en connais pas le remède. J'en subis juste les symptômes, lis les symptômes de mon mal-être. Paume numéro 1 sur une instru de Gulli Pitz. C'est le freestyle d'un dépressif, imprécis cette harmonie triste.